DJ Max from Martinique. Vu que je la baisse pendant que ses parents sont pas là. Couleur ébène, elle m'appelle Daddy Chocolat. Tu veux la guerre, t'as pas de quoi payer une collade. Et critiquer maintenant, veulent faire la collade. Vu que je la baisse pendant que ses parents sont pas là. Couleur ébène, elle m'appelle Daddy Chocolat. Tu veux la guerre, t'as pas de quoi payer une collade. Et critiquer maintenant, veulent faire la collade. Je t'emmène au lève-toi, là ça fait ça. Je remonte à bêtise et c'est fait ça. Sur mes peu ça. Et quand je la démonte, elle se demande comment il sait faire ça. Et on va tous les bains comme Asa. On va tous les cul. Aïso, je suis prêt comme Asa. Et à ta petite qui veut casse. Et quand je la démonte. Et on va tous les bains comme Asa. Aïso, je suis prêt comme Asa. Et à ta petite qui veut casse. Et quand je la démonte. De ins, gros tu vois, t'aimes à la taille de la big wex. Cette chance veut passer ma postale, c'est de la chatte, elle plus jeune ex. Je lui sacre ton big pif, pull up on trouve ton big beat. Elle connaît ces gars qui jeans, splash. Peur de ins, gros tu vois, t'aimes à la taille de la big wex. C'est de la chatte, elle plus jeune ex. Elle connaît ces gars qui jeans, splash. Elle fait des guet pas pour méfie-toi. Peur de ins, gros tu vois. Ma manne ne fait que m'embellir. Pour le rap, je fais des délits. J'ai chassé ma robe et j'ai sali. J'suis pas Dion mais j'm'habille en Céline. J'suis sous filtré, cher que j'ai recalé. Ta pute j'sais même pas sous Cali. J'ai mon pétard, elle veut que je la câline. Céline.